Je n'avais que la musique en tête et avec mes amis faire la fête. Au fond de moi, je sentais que quelque chose me manquait. Ça fait longtemps que ça durait. Trouver la femme qui me conviendrait. De ville en ville, je cherchais. Désespéré, je rêvais de ça. Qui hantait mes nuits? Céline, tu as souri. J'ai trouvé ma voix, c'est ta vie. C'est sans un grand doute avec toi que je compte passer le temps qui me reste à vivre. Sans savoir où j'allais, jour après jour je me demandais quelle route prendre pour la croiser. À quoi tu ressembles, je veux t'approcher. La sensation, celle d'être aimé. Depuis que l'on fait chambre commune, enlacé dans mes bras, je savoure ma brune qui hantait mes nuits. C'est les nuits, tu as souri. J'ai trouvé ma voix, c'est ta vie. C'est les nuits, c'est sans un grand doute avec toi. Je compte passer le temps qui me reste à vivre. C'est avec grand bonheur, je continuerai à t'acheter des fleurs. Nous sommes sous le même toit, ce qui comble tous les jours ma joie. La solitude, je n'en veux plus. Vivre sans toi, je ne m'y la vie à deux, c'est tellement mieux. Et maintenant je suis heureux. Quand tu me chuchotes des mots doux, je pense qu'à toi ça me rend fou. Marchons ensemble au même pas, enjambant les obstacles à grands pas. Un bel avenir est devant nous. Je vois au loin un petit bout de chou. Nous avons tant d'années à lui vouer. Il va falloir bien l'élever. C'est les nuits, tu as souri. J'ai trouvé ma voix, c'est ta vie. C'est les nuits, c'est sans un grand doute avec toi que je compte passer le temps. C'est les nuits, tu as souri. J'ai trouvé ma voix, c'est ta vie. C'est les nuits, c'est sans un grand doute avec toi que je compte passer le temps.